Dis-moi tout. Troisième niveau. Documents oraux. Centre rouge. Leçon 1. Activité 2. La grande nouvelle de Clafoutis. Allô? Allô, Berlingot? C'est moi, Clafoutis. Sais-tu ce qui m'arrive? J'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Devine! Tu vas au sport d'hiver? Mais non! Tu t'es acheté un cheval? Mais non! Essaie une autre fois! Je ne sais pas, Clafoutis. Dis-moi ce qui t'arrive. Je ne sais vraiment pas. Imagine! J'ai été choisie pour faire un voyage dans l'espace! Waouh! Bravo, Clafoutis! Et quand pars-tu? Dans quelques semaines. Est-ce que je peux y aller avec toi? Mais non, Berlingot, tu n'as pas été choisi. Je dois te laisser maintenant. J'ai beaucoup de choses à faire avant de partir. Je t'appelle quand je reviens. Au revoir, Berlingot. Bon voyage. À bientôt. Leçon 3. Activité 2. Clafoutis dans l'espace. C'est un grand jour aujourd'hui pour notre ami Clafoutis. En combinaison spatiale, elle fonce vers les étoiles. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pars, les amis! Vas-y, on est là, Clafoutis! Ça y est, je suis en orbite. Comme la Terre est petite, c'est drôle, je me sens flotter. Il n'y a plus de gravité. Les amis, vous êtes là. Vas-y, on est là, Clafoutis. Je vois l'étoile du Nord, des planètes multicolores. Je vois des étoiles filantes, je crois voir des soucoupes volantes. Comme c'est beau, les amis! Vas-y, on est là, Clafoutis! Je vois de très grands trous noirs, oh comme j'aimerais vous revoir. Je veux revenir sur la Terre, ramenez-moi dans l'atmosphère. Vous êtes là, les amis. Vas-y, on est là, Clafoutis. Je vois la cour de l'école, j'arrive à une vitesse folle. Voilà, je suis de retour, enfin je vous retrouve. Les amis, je suis là. Bravo Clafoutis, bravo! Leçon 5. Activité 1. Clafoutis se renseigne sur les planètes. Clafoutis est très excité. 3, 2, 1, 0. Et voilà, la fusée est partie. La Terre devient petite. Toute petite! Que c'est drôle! Maintenant, la Lune grossit! Grossit! Qu'elle est étrange! Il faut que je regarde ma carte de l'espace. D'abord, l'étoile polaire. Bon, la voilà! Ici, la petite ours, et là, la grande ours. Où est Vénus? Ah oui, à droite de la grande ours. Saturne est ici et Mars à gauche de Saturne. Mais je ne peux pas me poser sur ces planètes. Où est-ce que je vais me poser? Sur la Lune, bien sûr. Allô, la tour de contrôle, destination Lune. Le message reçu. La permission accordée. Leçon 5, activité 2. Les folies de Clafoutis. Une puce sur Vénus, quelle astuce, quelle astuce! Une puce sur Vénus, mais ça n'existe pas. Une poule sur Mercure qui picote du pain dur. Une poule sur Mercure, mais ça n'existe pas. Un kangourou sur la Lune qui chante au clair de la Lune. Un kangourou sur la Lune, mais ça n'existe pas. Et pourquoi pas? C'est fou, fou, fou, se dit Clafoutis. C'est fou, fou, fou, se dit Clafoutis. Leçon 6, activité 3. La ronde dans l'espace. La lune est ronde, la lune brille, elle éclaire les belles nuits d'été. Vénus est la première qui scintille, Vénus, c'est l'étoile du berger. Mars, Mercure, Pluton et Jupiter font la ronde autour du soleil, comme Saturne, Neptune, Uranus et la Terre. La Terre, la merveille des merveilles. Leçon 8, activité 1. Croissant de lune. Je suis loin d'être parfaite, je suis souvent distraite. Je n'aime pas beaucoup l'étude, je préfère étant la lune. Croissant de lune, quartier de lune, demi-lune, pleine lune. Croissant de lune, quartier de lune, demi-lune, pleine lune. Je suis pas mal turbulente, on me trouve bien tannante. Je dépasse la mesure quand arrive la pleine lune. Croissant de lune, quartier de lune, demi-lune, pleine lune. Croissant de lune, quartier de lune, demi-lune, pleine lune. Parfois je suis romantique, on me trouve sympathique. Je griffonne avec ma plume des poèmes au clair de lune. Croissant de lune, quartier de lune, demi-lune, pleine lune. Croissant de lune, quartier de lune, demi-lune, pleine lune. Croissant de lune, quartier de lune, demi-lune, pleine lune. Croissant de lune, quartier de lune, demi-lune, pleine lune. Leçon 10, activité 3. Sais-tu ce que Clafoutis voit? Dans la fusée, sais-tu ce qu'il y a? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des boutons, des montres et des cadrans, mais pas de ballon ni de cerf-volant. Pas de ballon ni de cerf-volant? Oh! ma fusée, sais-tu ce que je mange? Non. Qu'est-ce que tu manges? Je mange des aliments en tube, mais pas de jambon, ni d'orange, ni de citron. Pas de jambon, ni d'orange, ni de citron. Oh. Sur la lune, sais-tu ce qu'il y a? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trous, des cratères et des montagnes, mais pas de papillons, ni de champignons. Pas de papillons, ni de champignons. Oh. Sur la lune, sais-tu ce que je porte? Non. Qu'est-ce que tu portes? Je porte des bottes et une combinaison, mais pas de pyjama, ni de chapeau melon. Pas de pyjama, ni de chapeau melon. Oh. Voilà, voilà, voilà ce que nous avons dans la fusée quand nous voyageons. Voilà, voilà, voilà ce que nous voyons sur la lune quand nous nous déplaçons. Leçon 12, activité 2. Ta fusée si jolie. Clafoutis, clafoutis, tous les jours, nous regardons le ciel pour voir ta fusée si jolie. Clafoutis, clafoutis, tous les soirs, les étoiles s'allument et guident ta fusée si jolie. Leçon 13, activité 1. Le retour de Clafoutis sur la Terre. Bienvenue sur la Terre et félicitations pour ce voyage dans l'espace. Ma chère Clafoutis, nous sommes très heureux de te revoir. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureuse de vous revoir. J'ai invité quelques journalistes. Ils vont te poser des questions sur ton voyage. Clafoutis, comment vous sentez-vous après ce long voyage dans l'espace? Je me sens bien, mais je suis tout de même un peu fatiguée. J'ai un peu mal à la tête. J'ai même un rhume. Pendant le voyage, est-ce que vous avez été malade? Pas vraiment. J'ai eu mal aux jambes et au dos, mais maintenant ça va mieux. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ce voyage? De marcher sur la Lune. Et pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de ce voyage? Fantastique! Merveilleux! Merci, messieurs et mesdames les journalistes. Merci, Clafoutis. Et encore une fois, félicitations! Enrichissement écoute. Activité 1. Françoise et sa fusée. Françoise aime beaucoup bricoler. Depuis plusieurs jours, elle construit une fusée. C'est drôle. Un bout de sa fusée ressemble à un gros nez rouge. Après quelques heures de travail, Françoise se sent un peu fatiguée. Elle s'endort à côté de sa fusée et se met à rêver. Françoise rêve qu'elle monte dans sa fusée et fonce vers les étoiles. Elle voit des planètes de toutes les couleurs, rouges, bleues, vertes, jaunes. Elle décide de se poser sur une planète où il y a beaucoup d'enfants qui jouent avec de la neige bleue. C'est joli. Françoise s'amuse un peu avec eux. Il est tard maintenant. Françoise remonte dans sa fusée et se dirige vers la Terre. Elle ne veut pas que son père s'inquiète. Mais voyons, Est-ce que la fusée de Françoise est en panne? On dirait qu'elle fait de petits bonds dans le ciel. Mais non, c'est son père qui est en train de la réveiller dans la cour. Françoise lui raconte son rêve et il rit tous les deux. Enrichissement culture. Activité 2. La chanson du carnaval.